Imagine-toi donc qu'elle te parle encore. Ben oui, mais moi, j'ai un visage sympathique. Hé, monsieur, moi, je dirais plutôt préhistorique. Voyons, comment ça? J'ai pas rien d'étrange, oui. Toi, là, tu sais, on dit souvent que dans le cochon, tout est bon, mais dans ta face, il n'y a pas grand-chose de bon. Ah, ben oui, Yoda. C'est pas très gentil de l'appeler ici, un barbiturin. Non, coupez! Qu'est-ce qu'on fait, là? Où sommes-nous? Où va-t-on? Où allez-vous? Où voulez-vous chanter, grand-mère? Où allez-vous valser, grand-mère? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans. Eh, mais ça, on est loin d'avoir 20 ans. Là, pour cette émission aussi, si vous nous regardez à la TV Dinner, c'est pas le temps de dîner, ben quoi que, c'est des cours historiettes. Oh, historiettes, c'est quoi? Est-ce que c'est comme une savonnette? Ah, c'est tout petit, tu peux mettre ça dans ta main. Une historiette dans ta main, ben oui. Tu la regardes, là, puis elle va acter au creux de ta main l'histoire de ta vie, de ton existence. Eh, mais ça fait peur, hein? Ben non, ça fait pas peur. Alors là, tu refermes pas ta main, là, sinon les comédiens qui sont dans ta main, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être coincés. Non, ils vont être crapoutis. Ils vont comme... ils vont gicler, ça risque d'être juteux. Oh, mon, pas des comédiens qui finissent leur jour dans ta main? Eh oui, parce que t'en connais, hein, qui, après leur pièce de théâtre, passent dans les rangées en tendant la main. Mais là, toi, c'est le contraire. C'est eux qui sont dans ta main puis qui font leur grande comédie Adelarte. Adelarte. Je sais pas qui c'est Adelarte, là, mais c'est Adelarte. Oh! Moi, c'est, le thé, là, comme je disais, Anaïs, qui était très, très déçue. Peux-tu enlever ça, cet écho-là? Ben oui. Comme vous voulez, monsieur. Alors, donc, comme je dis Anaïs, moi, le thé, là, ah, c'est pas ma tasse de thé. Ah! Que ce soit à la menthe, à la mangue, à la menthe, à la... du café. Moi, c'est le café. Le café ne m'ignore pas, mais le thé, je sais pas, c'est peut-être la trop fine subtilité. Oh, mais ça me fait penser un peu à ton émission, comment ça? C'est tellement subtil. Oh, tu veux dire... C'est pas ça qu'un auditeur m'a déjà dit, moi. Excusez-moi, là, parce que ils vont se dire, il y a le nez complet, mais très complet. Je suis devant une aire climatisée pour faire mon émission. Donc, comme j'ai des allergies à l'air climatisé, que j'ai comme le cerveau qui scintille de tous ces feux, j'ai dit, ça va m'alimenter pour mon émission. Voilà, là. C'est bon, la Georgette. Mais je ne trouve pas. Tu vas faire traumatiser ton auditoire. Il est assez comme ça, mon auditoire. S'il m'écoute, là, c'est parce qu'il n'est pas assez traumatisé. Il veut encore être confronté à l'existence, là, à toute cette manipulation que notre belle société contemporaine nous amène. Ah, il va recommencer avec ça. Non, non. Puis même à entends-tu, même à l'intérieur, peut-être pas avec mon merveilleux micro, qui est d'une qualité exceptionnelle, que tous les grands chanteurs empruntent, parce qu'il est très massif. Perdu n'importe quoi, tu peux le casser, le rentrer dans n'importe quel orifice. Orifice classique, là, pas orifice... Ah non, non, te dire... lorsque t'as lancé ton émission... Oui, ah oui, sinon, mais c'est... Non, attends un petit peu, là, on va se relaxer un peu, là. C'est pour ça, moi, j'ai le nez chargé. C'est à cause de l'air climatisé. Ça m'amène des larmoiements sinusales. En tout cas, on va respirer. Bon, effectivement, sur mon site Internet, sur mes amis Facebook, si vous n'êtes pas amis... Si vous êtes bon, comment? Rassemble ton esprit, oui. Alors, mon esprit, il est à moi, juste à moi, amen, OK. Alors donc, pour les gens qui ne sont pas amis Facebook de Reynald Gagné, mais faites-le immédiatement, là. On vous attend parce que vous allez lire toutes les prémices, les introductions, les préliminaires. On sait que le monde aime ça, les préliminaires. Hein? Ah, ben avec toi, c'est le préliminaire jusqu'à la fin de tes jours, c'est vrai. Moi, je veux pas me lancer dans le feu de l'action. Moi, je veux me préparer. Plus je me prépare, plus je suis pas prêt. Oh! Normalement, on se prépare pour être prêt. Ouais, mais moi, c'est le contraire. Moi. Plus je me prépare, moi je me sens prêt, parce que là, on n'y va pas, on n'ose pas. Pourquoi y aller? À quoi ça bon? À quoi la bon? C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisantristes, qui dit toujours à quoi bon, un aquaboniste, qui a pas besoin d'oculiste pour voir la merde du monde, à quoi bon. Bon, ben là, si vous n'êtes pas membre Facebook de Rénal Gagné, c'est gratuit. Premièrement, il y a bien du monde qui vont se greffer à moi parce qu'ils n'ont pas une maudite salle, puis ils vont se dire c'est gratis, ça c'est... Le monde ne veut pas payer, c'est comme tout là. J'ai retraite, veux-tu payer? Ben là, pour toi, non, là, ça vaut pas grand. J'ai 2 centimes. Oh, moi, il y a 2 centimes. Qu'est-ce que ça vaut, 2 centimes? Ça vaut 2 centimes. Moi, ça vaut rien. Raoul, ah, ben moi, je n'ai pas trop de temps là-dessus. Moi, là, c'est quoi? C'est cyberminor? Non, c'est cybernétique. Ah, je ne le connais pas, Mythique. Je connais cyberminor. Ça, c'était mon ancien voisin de droite. Puis là, quand j'ai planté mes concombres, là, puis que j'ai voulu les extirper du sol, est-ce que c'est dans le sol? Non, ouais, monsieur, les concombres, là, ça pousse sur une tige. Ben non, mais moi, il était dans le sol. C'est comme les carottes. Les qui? Les carottes. Les carottes. Les carottes, ça pousse dans le sol. Mes concombres, à moi, ça pousse dans le sol aussi. Puis là, quand je suis voulu les extirper, monsieur, c'est pas des concombres. Hey, qu'est-ce que tu connais à la botanique? Ben là. Je connais les fines herbes, oui. Oui. Je connais les... comment t'appelles ça? Donc, les fleurs. Ah, ben c'est comme ça qu'on appelle ça, des fleurs, oui. Je connais les tulipes. Est-ce que c'est une fleur, une tulipe? Ben oui, voyons, d'autres, oui. Ben, je connais Jules la tulipe, puis c'est pas une fleur. Oh non, mais c'est une fine fleur de l'humour! Oh! 50% des gens ont compris, 50% des gens n'ont pas compris. Là, ils se disent, qui c'est Jules la tulipe? C'est un humoriste. Non, mais les gens qui ont 15, 16, 17 ans, connaissez-vous Jules Latulippe? Ce théâtre des variétés, c'est lui qui a mis au monde le théâtre des variétés. Rose Ouellette Lapoune, là, il l'a fait jouer dans son théâtre. Tout le monde a parents, Claude Blanchard, Jacques Salvaille. Encore aujourd'hui, Jacques Salvaille, s'il travaille, c'est à cause de mon ami Jules Latulippe. Alors là, si vous n'êtes pas mon ami Facebook, on va revenir à l'ami Facebook puis à Jules La Tulipe à un moment donné, c'est ça. Non, mais pendant toutes mes émissions, là, cet été, cet automne, je ferai la lumière sur tous nos humoristes que l'on n'entend plus. Quoique, parce que très souvent, ils sont morts. Très souvent, ils sont pas très forts. Puis on les a oubliés. On veut plus en entendre parler. On a changé de génération. Les gens veulent plus rien savoir. Les gens ont le Québec, clip! Hein? Oh, ça fait du bien à la... À l'air climatisé. Ouais, mais ton micro, ah, il est prêt à toutes les intempéries. On va le squeezer. Non, le tordre. On va le tordre à la fin de ce propos. Parce qu'on fait des blocs, là. Pour pas en avoir un. Un quoi? Un bloc. Ah, trop de blocs, ça donne le mal de blocs, hein. Ah, c'est, bon, c'est ça. Si vous êtes pas mon ami Facebook, excusez-moi si je vous ai réveillé. Ça va vite, cette émission-là, hein? Mais ça, là, c'est comme sur l'autoroute, là. On vous dit de rouler à 110, là. Les gens qui roulent à 50, là, ils devraient se faire... Est-ce qu'ils se font arrêter? Oh, moi, je connais pas ça. Je n'ai pas mon permis de conduire. Ah, mon Dieu. Vous n'avez pas votre permis de vous introduire sur les autoroutes? Ah, moi, je prends le taxi. Oh, est-ce qu'il est driver? Ah, c'est tout un taxi driver. Ah, il drive jusqu'à le taxi driver. Quand je disais, il me disait, hey, veux-tu aller en deuxième ou en troisième? Mais ben, je voudrais aller en trois dimensions, taxi driver, en trois dimensions. T'es-tu un cinglé? Un peu cinglé au niveau de l'animation CKRLienne. CKRL, la plus vieille radio francophone au monde. Tu connais pas ça, CKRL? Là, j'ai vu sur mon... Excusez-moi si je vais trop vite, là. On va relaxer un peu, là. On va prendre tout le temps de respirer, d'inspirer, d'expirer, d'inspirer, d'expirer, d'inspirer, d'expirer, d'expirer. Il arrive, là! Expirer, inspirer. Oh, le petit bébé d'Anaïs, Kaël! Et bébé, expirer, expirer. Anaïs! Oui, attendez, là! Madame Anaïs, elle est là devant nous, là, puis elle veut accoucher tranquillement. Alors, vous, Madame Thibodeau, vous êtes bon vous êtes bonne dans les prières, priez. Oh, mon Dieu, alors, mettez-les aussi. Je vous salue. Toi, mon petit cube au doigt, va-t'en en arrière, regarde pas ça, là. C'est pour les professionnels et je fais partie des professionnels. Alors là, si vous n'êtes pas mon ami Facebook pendant qu'Anaïs Kael est en train d'accoucher, rentrez Rénal Gagné, là, si vous n'avez pas réussi, ils ne savent pas comment... Allez-moi, les gars, tu prieras plus tard. Rénal, R-A-Y-N-A-L-D, Gagné, G-A-G-N, accent aigu, mettez pas R là-dessus, là, vous allez perdre des points. Vous avez déjà pas grand point, là, hein? Mais moi, j'ai ma carte de membre de CKRL. Oh, ben là, vous avez tous vos points. On vous aime. On vous adore. Vous êtes intouchables. Alors, les intouchables, on les touche pas. Ben non, ils sont intouchables. Ben oui, mais t'es fort. Ah, moi, je suis tellement fort de la ciboulette. Regarde-moi la petite boulette à gauche. Oh, ça, on appelle ça des oursins. Oh, oh! Des oursins. Ah, c'est... des oursins. Quand tu vas dans le bois... Oui, Anaïs, accouches-tu? On peut pas l'entendre crier, s'il vous plaît. Pouvez-vous l'amener le micro devant sa belle bouche? Elle ne chantera pas, elle criera en direct, s'il vous plaît. Non, on n'a pas assez de fil de micro. Bon, le budget a été sur les... comment t'appelles ça? Donc, sur les liquides, mais pas sur les fils de micro. Ah, on reconnaît ça. Une erreur inadie. Ça pense à tout le liquide, mais à la technique, là, c'est absurde. Non, mais il faut quand même abreuver notre auditoire. Ben là... T'as de la misère à t'abreuver toi-même. Non, au contraire. Au contraire. Oh, monsieur. Je suis fort aise et bien dansé maintenant. Alors donc, pendant qu'Anaïs va nous pondre un beau petit bébé. Non, il est déjà pondu. Il est dans le benon. Il prépare sa sortie. Oh. Alors donc, si vous étiez mes amis Facebook, on revient. OK. Disque dur, là. Les segments, là. On est rendu là. Nous sommes rendus là. Alors, pour les gens qui m'ont pris là, vendredi dernier, le 22, nous étions le 22, 23, regarde, 9, le 22, vendredi le 22, je lançais sur ma page Facebook que j'allais faire une émission peu orthodoxe. Là, je me suis dit, les gens vont se réveiller sur l'orthodoxie, ils vont me demander comment ça, c'est pas orthodoxe, là, hein? C'est pas ça qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont dit, OK, parfait, le doigt, là. Hein, ils m'ont poqué, là. Ils m'ont dit, oh, super mec, on te suit de près, t'es super cool. Mais là, l'orthodoxie, le monde n'a pas accroché là-dessus, là. Et j'ai été déçu. Tellement déçu, j'ai tout dévoilé comme un chien, tout mes trucs. Pourquoi cette émission-ci, du 29 juillet 2011, elle était orthodoxe beaucoup plus que les autres? Parce que les autres fonctionnent selon la routine habituelle, qui est... Ah, je te dis pas, rentre mon ami, deviens mon ami Facebook et tu vas voir le 22 juillet et tu comprendras tout. Oh mon Dieu, ça c'est du chanteur, eh bien chanté maintenant. Alors, non, pas encore accouché, mais si on fait jouer le générique, Mme Thibodeau... Ah, ben là, est-ce qu'on peut amener la mélopée? Ben moi, je te le dis que si sur le sifflet, la mélopée n'arrive pas, on arrête l'émission sur ce tas d'incompétence. OK. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Pas les nouveaux, léger. Faut que vous sachiez que pendant le monologue, c'est un personnage qui parle et pas moi. Un personnage. On s'entend là-dessus?

Mais à l'intérieur de moi, c'est des sueurs chaudes. Et tu dois de suer comme un jeu, moi, là, là. Mais as-tu demandé ton contrat selon le gouvernement du Québec? Comment ça? Premièrement, là, t'as pas le droit de suer comme tu veux ici, là. T'es au Québec, OK? Pays totalitaire. Pays qui ne libère que des idées préconçues d'une société. Bon. Si tu sues, ne sue pas sur ton voisin, car ton voisin saura comment te séduire avec son coup de poing. Ah, non, c'est violent. Ah, c'est très violent au Québec. Monsieur, on va s'arrêter ça. Non, non, si, parce que ça commence par si. C'est-tu mon problème, moi, là? Hein? Jean-Luc, il peut pas lire. Ben oui, je peux lire, moi, là. J'ai des lunettes aérodynamiques. Bon, OK, vas-y. Ça dégonfle, hein? Oui, monsieur. Si ton prochain ne te séduit pas, arrose-le de ta sueur. C'est mal, c'est cinglé, oui. Je me sens comme un serpent sifflette. Non, non, c'est un siffleux. Un siffleux. Anaïs, c'est un siffleux, hein? Si, mais comment ça se passe? Ben là, je sais pas, là, Anaïs, elle chuse, elle jaucise. Elle ne crie pas, mais elle s'use. Elle fait quelques belles grimaces. Elle ne peut pas faire de laides grimaces. C'est une belle demoiselle. Oh, c'est... les belles peuvent pas faire, ne peuvent pas être laides. Ben non. Quand t'es belle, t'es belle. Quand t'es laide, t'es laide. Quand tu fais des grimaces, puis t'es une laide. Tu fais des grimaces laides. Quand t'es une belle, tu fais des belles grimaces. Quand t'es un... tu fais ce que t'es, là. Puis si t'es pas, ben, tu ne seras jamais. Puis ton nom est personne. Puis s'il est personne, ben, on va le trouver. Parce qu'ici, au Québec, on trouve, hein. On trouve les imposteurs, puis on les renvoie. On les renvoie où? On les renvoie chez leur maison, chez leur maris, chez leur femme, chez leur maîtresse, surtout chez leur maîtresse. Ah, oh, que ça fait des chaos, hein? Ah, oh, c'est la femme qui s'imagine que son mari, mon grand, puis là, il y a sa maîtresse, ça va bien? Oh, ça va très bien, merci. Alors donc, là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami... Comment ça se passe? Ça va bien. Ça va bien. On est à quel numéro? On est ouvert à... On est ouvert à tout. Ben ouais, non, mais elle, c'est 2, 8, 12. Non, c'est pas 12, ça arrête à 10. À 10, c'est l'accouchement. Oh, OK. Alors, de 1 à 10, moi, je mettrais... oh, attends un petit peu, dilatation. Mon œil là, qui se dilate plus que ça dilate. Moi, je mettrais un 6.5. Oh, 6.5, bravo. Bravo pour un 6.5, c'est merveilleux. Continue. On t'encourage. Il te reste une heure et... Une heure et quoi? Une heure et quelques. Ah, mon, bravo. Bravo. Alors donc, là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Là, je peux pas me poser le dos sur... j'ai un beau divan ici, mais je peux pas me poser le dos. Ben, voici quelques secondes, OK? Ah, ça fait du bien. Alors, hey, à la radio, le monde s'en balance que tu te reposes pas le dos. Tu repose-toi la mâchoire. Ben, si je me repose le dos, en même temps, je me repose la mâchoire. OK. Alors là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Hey, mais on n'a pas fait de bonjour. Bienvenue à Errance Rénaldienne. Hey, c'est vrai, ça. Comment ça qu'on a oublié ça? Ah, mon Dieu. Est-ce qu'on peut retourner la cassette? On va la retourner. Ah, on s'excuse infiniment. On va tout dire la... Ah, on n'a pas de doigt. Non, on ne fait pas ça de même ici. Là. On s'excuse et on recommence. D'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur le président, messieurs les pas trop catholiques et cathodiques, mesdames les voluptés... Et puis, comment ça se passe? Ça va mal. Ça va mal. On s'est trompé. On n'a pas commencé par le début. On a commencé par le premier bloc en oubliant tout ce qu'on avait fait au début. Je crois que ça... Ça va pas bien. Non. Monsieur le président, messieurs les pas trop catholiques, les gens s'en rendent pas compte. Oh. Ça passe comme du beurre dans la foile. Comment? Dans la roile, dans la soile, dans la noile, dans la moelle osseuse. Ah, tu beurre dans la moelle osseuse? Aïe, aïe, donc. Mais c'est ça. Quand t'as mal, les médecins disent pas ça. Puis même les biogénistes, les biodégradés là, du cerveau, là, qui disent, ah, prenez de la tisane, prenez du thé. Du thé. On a parlé tout à l'heure du thé, là. Lâche-moi le thé, là. Si je veux en boire du thé, là, j'en boirais pas du thé, là, hein. Alors, donc, les gens disent, ah, buvez de la tisane. Mais ils nous disent pas de mettre du beurre. Parce que du beurre, ça fait glisser toutes les artères, là, puis tu te sens mieux, les os sans gloutine, là. C'est merveilleux. On appelle un rouage extraordinaire parce que ça reste pas bloqué. Contrairement à de la margarine, hein, c'est pas vraiment graisseux, donc ça reste même collé sur la fourchette ou sur le couteau. Ben, tu manges ça, de la margarine, tu manges du beurre, il y a le goût de la... Ça sent la vache crémeuse, là, la bonne grosse vache, là, qui aime ça, fait mmm, plus elle fait mmm, plus elle fait mmm, plus c'est crémeux. Si elle fait mmm, ah, mon Dieu, ça va être du lait écrémé, puis ça fait mmm, ça c'est 1%, mmm, ça c'est 2%, mmm, ça c'est 3,5, mmm, ça c'est, oh, de la crème, 10%, quand ça fait mmm, ça, c'est 15%. Quand ça fait... Elle a de la misère à partir, là, parce que là, c'est dans la crème plus crémeuse. Hey, monsieur, ça, c'est 35%. Puis si elle fait... À un moment donné, c'est le pot de beurre avec le beurre. Puis, le sel ou pas de sel, ça dépend. Ça, vous mettez ça dans la gueule de la vache avant. Si vous mettez une demi-cuillère à thé de sel dans la gueule de la vache, tu la fais mâcher toi-même, là, tu ouvres, tu y fermes, tu ouvres, tu y fermes. Tu... C'est comme ça, les vaches aiment ça de même. Tu ouvres, tu la fermes. C'est comme une chanteuse là, qui passe à un vidéoclip qu'on connaît bien, là, hein, qui un peu techno, disco, pop, colon. Là, tu... Même Céline, là, c'est la même affaire que Céline. Là, t'as fait mâcher, t'as fait mâcher. Là, pour avaler, là, tu y souffles dans la gueule, tu la fais... Elle va avaler. Je suis un fermier, un ancien fermier, moi. J'ai été 2 semaines fermier, moi. Ils m'ont fermé de le fermier. Ils m'ont dit, ferme-le, le fermier, parce qu'il ira pas loin, effectivement. Mais j'ai quand même fait 2 livres de beurre. Pas avec moi, avec ma vache, là. 2 livres de beurre. On a fait de l'écrémé. On était bon dans l'écrémé. Ah, c'est... on faisait le carton avec ça. Puis les petits sacs à plastique, quelquefois. Alors donc, Monsieur le Président, Messieurs les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginie Woolf, à Errance Rénaldienne. L'absurde aventure de Errance Rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins. Là, je cherche le caracas. Ah, mon Dieu, ça allait. Ah, oui. Ah, descendez, ascendez, ascendez, ascendez. Ah, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pit. C'est ça, quand j'ai pas un caracas, faut que j'ai les instruments à côté de moi. Je commence à chanter, je cherche les caracas, puis là, je me dis, je vais m'écarter. Comme j'aime bien m'écarter. Pas dans le sens de avec les jambes, mais avec l'esprit, parce que moi, m'écarter avec les jambes, ah, oh, bon. Ça m'arrive des fois, là, lorsque je marche, l'autre va à la gauche, une à droite, là, les gens me regardent, je suis en train de diriger moi-même mon cerveau en parlant fort. « Restez là! » Là, les gens me regardent, la police arrête. Ah, monsieur, nous sommes les policiers? Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ben là, je veux coordonner mes jambes. Coordonner vos jambes! Ah, oui, j'ai de la difficulté. À quoi? Ben, je vous l'ai dit, à quoi quoi? Il y a de l'écho, hein? Ah, il y a de l'écho, là. Mais pas juste ça. Et coordonner mes jambes! Ah, mon Dieu, ça va avec le cerveau, hein? Oui, mais j'en ai pas beaucoup, moi. Et moi, là, si vous montez dans le grenier, vous allez voir, il y a juste une petite veilleuse, puis elle est dans le fond, dans le coin, là, puis il y a juste une petite lumière. Comme les petites lumières de Noël sur les sapins de Noël. Avez-vous passé un beau Noël des campeurs? Là? Là, une petite lumière dans le fond. Plus elle est dans le fond, moins t'es éclairé, moins t'es éclairé, moi je t'éclairé, moi je t'éclairé, moi je t'éclairé, moi je t'éclairé. Monsieur le policier, excusez-moi, mangez la marde. Hey! Non, j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit de manger de la. Non. Ben, vous voyez, là, je souffre de la lorette, moi. Je souffle de la lorette et zing, zing, zing, la musique jouait. Je souffle de la lorette, zing, zing, zing. Arrêtez-moi pas, s'il vous plaît, je veux pas de maudite scène. Regardez-moi ça, là. J'ai contribué à... Je me suis acheté 3 gaminettes CKRL à 12$. C'est pas cher, 12$. Et ça valait 20$, celle-là, là. Allô, monsieur la police? Ah, nous autres, on fait notre enquête sur notre ordinateur. Oh, vous concentrez. Si vous voulez être mon ami Facebook, là, c'est Rénal Gagné, R.I.G. Hey, lâche-moi le Facebook, toi, là. Mais si vous voulez aller à CKRL, parce que je trouve pas ça très beau, ce que vous avez là, votre habit de... C'est pas de clown, ça. Non, c'est de policier. Oh, mon Dieu. Ça rapproche de certains... Mais si... Hey, au coin de la 4 et de la 3, 405 3e avenue, aux heures d'ouverture du lundi au vendredi, à partir de 9h du matin, là, 9h, 9h15, notre sublime hôtesse est là. Et jusqu'à... sublime est un mot quand même extrêmement modeste pour la beauté qu'elle amène dans la station de radio de CKRL. Enfin, bref, si vous allez... Ben, si c'est un gars, ben non, c'est une fille. OK, c'est pas une fille, c'est pas un gars, c'est une fille. Et je connais ça, moi, CKRL, moi, là. Quand je suis allé mener mon émission la semaine dernière, là, c'est vrai, c'était un gars, mais c'était le directeur musical, là. Hein? Puis le directeur musical, là, il m'avait pas reconnu à cause de mes lunettes fumées. Il trouvait que j'avais l'air d'une saucisse trop fumée. Enfin, bref, monsieur le constable. 405 3e avenue, du lundi au vendredi, de 9h, 9h15 jusqu'à 16h30, les gaminets ne sont plus à 20$, mais à 12$. 12$! C'est beau, ça, 12$! Qu'est-ce que tu peux avoir pour 12$ dans le linge, là? Rien! Même un gaminet, parce qu'un T-shirt, c'est un gaminet, même un gaminet, en version française, là, même un gaminet, t'aimes ça dire gaminet? Même un gaminet, arrête de le dire, gaminet, oh, gaminet, oui, même le gaminet... Classique noir, c'est 20$, 25$. Mais avec un bel effigie, pas une effigie, mais une belle représentation de CKRL, même Charles Berberian, qui est un graphiste, qui est un scénariste de bande dessinée, a trouvé mon gaminet de CKRL exceptionnel. Il m'a dit que j'avais fière allure, pas ma gueule, là, mais le gaminet, le reste, c'était épouvantable, là, mais le gaminet, c'est la seule chose qui avait de l'allure sur moi. Alors, 405 3e avenue, là, je fais pas une pub, là. C'est une maudite grosse... Non, c'est pas une... Ah oui, as-tu vu la grosse orage qui va tomber sur nous, là? 405 3e avenue, de 9h... Tu l'as dit, 9h15 à 16h30, 12$. Vous dites que c'est pour Errance Renaldienne, c'est 12$. C'est Errance Renaldienne, sinon ça sera pas 12$. C'est juste 12$ parce que c'est Errance Renaldienne, là. Appelez, vous allez savoir, là. 640-2575. Appelez pas là, parce que c'est le soir, il fait noir, puis tout le monde a peur. Ils ont fermé les lumières, sont couchés à terre, puis attendent le jour. Parce qu'ils savent que j'ai un côté vampirique et je peux tout égorger ces proies-là, moi, puis moi, dans le cou, là. Ça va-tu? Ça va très bien. Dans le cou, j'ai dit, OK, dans le cou. J'ai eu peur, moi, là. Parce qu'ils sont pas mados sans... Non, ils m'ont dit pas ailleurs. Juste dans le cou. Elle dort donc. Appelez, vous allez savoir. Et là, dites, madame, est-ce que c'est vraiment pour les rances rénaldiennes que les gaminets sont à 12$? Elle va vous dire, mais c'est un menteur, c'est tout le temps 12$. Mais voyons donc, toi, là, dis pas ça. Si vous dites pas les rances rénaldiennes, ça va être un prix exorbitant. L'absurde aventure de... Enlève-moi les cours. L'absurde aventure, oui. Oui, chef, oui, grand chef, grand mammouth, Ali, Anou. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné, on y va, là. Aujourd'hui, le vendredi 29 juillet 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot, confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction, oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la créatrice chanteuse Anaïs Kael. Comment ça se passe? Ben là, elle est à 6,5 encore. Elle dilate pas plus que ça. Voyons donc. Elle tresse 1h15, ma belle Anaïs. Dilate plus que ça. Elle crie pas. On n'a pas assez de fil de micro non plus. Là. Anaïs Kael se veut une chanteuse femme presque comme les autres, à la fois à la sensibilité un peu plus Anaïs se veut une jeune femme presque comme les autres, à la sensibilité un peu exacerbée que la moyenne, avec une voix d'ange. Elle découvre l'art dramatique, puis le piano, qui devient son mode d'expression privilégié. Pourtant, sous la pression de son entourage, elle entame de longues études de commerce qui la minent. C'est l'amour qu'elle nourrit en secret par le chanteur de Blur, Damon Albarn, qui la poursuivra et l'amènera à se consacrer enfin à ce qui la fait vibrer, écrire, jouer, chanter. Dès lors, elle travaille sans relâche. Sa singularité, Anaïs Kael, la tient de sa contradiction, de sa voix puissante. Elle chante l'amour, les emmerde, avec une ferveur attendrissante, attachée par ses mots explicites, parfois franchement violents. Mais si ses chansons emportent celui qui les écoute à la frontière du malaise, elles n'en suscitent pas moins le sentiment poignant d'une vraie rencontre avec la vie. Pour la dernière émission, nous allons entendre Anaïs Kael. Ce n'est pas la dernière émission d'Errance Rinaldienne, mais c'est la dernière fois que nous allons entendre cette voix venue de l'Angélus. Maintenant, en rendons-nous en ce vendredi, proposons-nous un ruban, un fil humaniste imagé entre vous et moi, un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique nous envoûter? Non, c'est pas le générique, c'est la musique. Alors, ciel? Alors... Et puis, là, comment ça se passe? On sait pas! C'est à 12, à 15, non, c'est arrête à 10. C'est 7,5 qu'on nous... Le docteur nous dit 7,5. 7,5, non, c'est la brave femme, la frachman, la frachman. Zing, zing, zing, zing, dans tous les What's in the bird? Woody Wood sur la tête, reconnais que je suis volage. What's in the bird? Ça me fait convoler, éperdument en juste noce. What's in the bird? Demain j'arrête la flûte, j'aimais pourtant tous azimuts. What's in the bird? À part les équivaux, c'est purement psychosomatique. Mais vous savez, sans doute tout ça mieux que moi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les intempéries excitent sa frénésie. Jus de fantaisie adoucit son gosier. 5, 4, 3, 2, 1. What's in the bird? Votre cas m'intéresse, veuillez reposer la question. What's in the bird? Déclin très net des stocks d'amour et de satisfaction. What's in the bird? Trouve-moi un sobriquet, l'ipuette est parti charmé. What's in the bird? J'aimerais qu'on renouvelle mon abonnement à la berlue. Mais vous savez, sans doute tout ça mieux que moi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les intempéries excitent sa frénésie. Jus de fantaisie adoucit son gosier. 5, 4, 3, 2, 1. Tourbillonné. Je me rappelle, moi en dimanche chez toi on sauterait. Notre première concession à l'abri des perfectos. What's in the bird? À vrai dire, on en parle, vous vouliez de l'information. What's in the bird? Et pourquoi les kiwis m'empêcheraient-ils d'être serein? What's in the bird? Nous remercions l'armée pour sa précieuse documentation. C'est quoi que c'est? L'ambulance de monsieur est avancée, bien avancée. Mais vous savez, sans doute tout ça mieux que moi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les intempéries excitent sa frénésie. Jus de fantaisie adoucit son gosier. 5, 4, 3, 2, 1. Tourbillonné. Tourbillonner, tourbillonner.

comme il est bien. Comme il est bien. Comme il est bien. This is the story of Melody. Apart from me, no one ever took her in his arms. Under her thumb, ice in the sun. She was nothing but love. Melody Nelson. But her life was almost done. Cause her days were numbered nil. Count 14 falls, 15 on call. A baby tiger was Melody Nelson. Forever purring in the sun. Just as dangerous as a child. A child with a gun shooting me down. Melody Nelson. Melody Nelson, son, son, son, son, son. the story of Jesse James, of how he lived and died. If you're still in need of something to read, here's the story of Bonnie and Clyde. Now Bonnie and Clyde were in the Barrow Gang. I'm sure you all heard and read how those who spill are usually found dying or dead. They called us cold-hearted killers. They said we were heartless and mean. But I say this with pride, that I once knew Clyde, when he was honest and upright and clean. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. But the law fooled around, kept taking him down and locking him up in a cell, till he said to me, I'll never be free, so I'll see a few of them in hell. If a policeman is killed in Dallas and they have no clue or guide, if they can't think or find, they just wipe the slate clean and they blame it on Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. If we try to act like citizens and rent ourselves a nice little flat, about the third night we're invited to a fight by the subguns, rat-tat-tat. Someday we'll go down forever. They'll bury us side by side. For a few it will be grief, for the law and relief, but it's death for Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Ici et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer. Je soigne comme la Vierge Marie. Priez pour nous. Toi qui as remarqué, je voudrais savoir, priez pour nous. Priez pour nous. Toi qui nous remarque, allez plus loin, mais je veux aller bientôt. Priez pour nous. Priez pour nous. Toi qui sais pas où on est, je veux aller, mais je veux aller dans le ciel, allez, priez pour nous. Priez pour nous. Quand nous avons entendu que tu veux dire, que tu veux dire, que tu veux pas, allez, priez pour nous. Priez pour nous. Après, les hommes, allez, pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Hein? Alors donc, j'aime ça dire alors donc, voilà, ça n'a aucune signification. Je vais passer un petit peu ma coup de table ici, si ça ne vous dérange pas, là, ça sonoritaire, sonoritaire, est-ce qu'elle, on n'entend pas au niveau du son, OK. Qu'est-ce que je voulais dire? Sono, je sais pas, moi, là. L'adjectif, sonorisation? Non. Sono, sonom... Dans la tête, je sais ce que je veux dire, mais dans la bouche, je peux pas le dire. Oh, vas-y! Non, on peut pas. Il est quelle heure? Oh, c'est pas... Non. Oh, je peux être exclu de ces KRL si je dis ce mot-là. Ben voyons donc. ouvrons-lui un peu, parce qu'il y a, un comité d'écoute, là. Si je dis ça nomme personne sur la croûte, non. Sur la croûte terrestre, ah non, il y en a pas plus, hein. Il y en a déjà trop. Imaginez-vous comment on peut nourrir tout ce monde-là. Ah! Faut pas trop que je réfléchisse à ça, j'ai le cheveu qui s'enterre. Oh! Comme Éric s'enterre. Sans terre et sans reproche. Non, mais c'est incroyable, hein? 1 000 milliards. Il y a un chanteur québécois qui s'appelle Daniel Mouché. Non, c'est pas Daniel Mouché, c'est qui, non? Bélanger, qui dit 1 000 milliards de solitaires. 1 000 milliards, c'est faux seulement. 1 000 milliards. Laissons-nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Là, on va rentrer là. Là, il faudrait que j'en écrive davantage parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent depuis quelques émissions. Ils s'en ont pas rendu compte. T'es certain, OK. Alors, je brasse et j'arrive ici. Oh! Je prends au hasard. Faudrait que aussi j'augmente le bac parce que c'est un petit bac comme ça, là, on dirait que ça brasse pas assez. Bon, là, on a tout dit ça à notre, notre attaché de presse, là, détache-toi puis prends des notes. Là. Alors, la première fois, non, c'est le titre. Oh, mais j'ai vu le titre, mais c'est peu importe. Première phrase. Quand j'ai sonné, il était au 7e ou 8e. Ah, OK. Ah, oh, je l'ai fait, ça. Je l'ai fait il y a quelques temps. Est-ce qu'on le choisit? On va le choisir. OK. Peu importe les problèmes. Alors, quand j'ai sonné, il était à sa 7e ou 8e bière et j'ai été m'en prendre une dans le frigo. Oui, mais le frigo était brisé. Ah, là, heureusement que le petit mini-imagino avait une bouffée d'air frais parce que je l'ai placé là-dessus. Pendant que je parlais avec le moins que rien qui était devant moi, puis en fait j'essayais de traduire, puis j'avais pas le déconneur. Donc quand j'entendais, mon Dieu Seigneur, tu savais-tu mon Jean-Marc là, qu'est-ce que tu as de beau à me dire? J'ai rien à dire. Hey, mais t'as-tu perdu tes élections? J'ai même pas été voté. Ben oui, mais c'était même pas le moment des élections non plus. Je voulais juste savoir si t'étais présent là parmi nous. Mon Dieu. Puis ton chat, il est rendu où? Ah, ça fait 3 jours, je suis pas sorti. Moi, je l'ai fait cuire dans l'enfour avec des oignons, puis des patates, puis moi, j'enlevais pas, puis je l'ai mangé. Ah, c'est pas vrai! Ah, il a mangé ça. Moi, je mangeais des minous, mais il y avait le troisième minou que je mangeais. Troisième minou que je mangeais dans l'enfour. Je ferme le four, 350. Il fait chaud. Il fait chaud, c'est pourquoi non? Ah, c'est le four à 350, c'est le four à 350 avec le chat. Ah, mon, mais ça sent pas le chat. Mais ça sent le four, hein? Non, ça sent pas le four, ça sent chaleur. Ça sent chaleur, c'est vrai. T'es présent, toi, là? Je suis présent, moi, priez pour moi. Non, je prie pas pour toi, là. Mais comment ça, tu manges du chat? T'es rendu comment, moi? Témoin du haut, là. Hey! Je comprends trop, moi, là. T'es devenu. Moi, je suis devenu là-dedans, je peux pas aller ailleurs parce qu'ils m'ont dit si je vais m'ailleurs. Hey, mon, il me semble que t'es nerveux. Je suis pas nerveux, moi, là. Pas nerveux, mais je vais vous dire. Hey, monsieur. Tu n'es pas le même gars, oui. Tu as modifié un peu ta stratégie. Ah, là, je vais me dire, ouais. Je comprends pas très bien, là, mais grosso modo, là. Ça fait quelques jours que t'as pas sorti. Ça fait 3e choc que tu manges, là, puis ça va très bien. J'espère que. J'enlève le poêle. J'espère que t'enlèves le poêle, mais. Ouais, mais c'est triste à en pleurer. Non, c'est triste à pleurer. Mais toi, ce qui te fait digérer tout ça, là, c'est pas classique, là, ce que tu me présentes, là. C'est des quoi, ça? C'est des tonneaux. Non, c'est pas des tonneaux. C'est la plus fort que ça, je suppose, ça s'en va, mais c'est ça. Et puis, comment ça se passe? On sait pas. Là, premièrement, il est rendu à 7.5 à l'échelle de frigidaire. En plus, ton réfrigérateur ne réfrigère même peu. On est obligé de mettre ça devant la bouche d'air froid, puis la bouche n'est pas très, très froide. Puis l'autre, qui arrive pas, là, ce petit enfant qu'on attend, puis la pauvre Anaïs qui est en train de... qui attend, qui chante ses chansons. Je pense qu'elle est rendue à son 16e rappel. Anaïs, combien de rappels? Le micro est pas assez loin, vous voyez, monsieur. Même pas de budget pour le micro, mais combien? 6e rappel, là. Alors, c'est quoi ton, ton record, toi? C'est quoi? C'est... Oh, pendant toute la nuit. Ah, il y a eu un rappel de toute une nuit. Avec qui? Avec un public ou ton copain? Celui d'un public. Un public, ben, regardons. Et, ben, c'est ça. On sait pas ce qui se passe avec toi, là, mais t'es comme blême. Est-ce que c'est le choc qui est en blême de même, là? Et puis, comment ça se passe? Bon, c'est toi, là. Premièrement, tu t'es même pas l'affaire devant la bouche, puis, ouais. Et puis, comment non? ça se passe? Ça va bien, ça va bien. Ouais, mais on te reconnaît plus, puis tu sens un peu le... Tu sens la... comme la, tu sais, comme l'araignée qui tisse sa toile, là. Oh, parce que t'as vu le titre. Moi, j'ai vu le titre, puis je vais préparer la sortie. Voilà. Je suis ratoureux. Hein? Sentir la toile. Voyons donc, oui. À part la toile de Picasso, qui, grâce à sa peinture à l'huile, parce que ça sent bien plus fort que de la peinture à l'eau, puis on le sait que c'est bien plus difficile, la peinture à l'huile, parce que la peinture à l'eau, c'est beaucoup plus rigolo. Mais la toile d'araignée, toi, là, comment ça, il y a des toiles d'araignée? Bon, je me fais plus de ménage, j'aime bien. Ouais, c'est ça, t'es rendu au galon, toi, là, c'est plus des petites 355, toi, là, c'est des quoi? C'est des 2 litres, 3 litres, 4 litres, 6 litres, 4 litres, 4 litres. Comme des grosses cuves d'eau, là, qu'on, ben, c'est pas des, c'est, ouais, c'est en plastique, des cruchons. Ah, j'aime ça, des cruchons. Peux-tu m'inclure dans les cruchons? Moi, j'aime ça, les cruchons. Je fais ça comme un cruchon. Hein? OK, les cruchons, c'est ça. Mais, t'es pâle, en plus. Ça doit être le poil de chat. Mais non, j'enlève le poil de chat. Moi, je pas ça. OK, c'est vrai que tu le retires avant le... Ben, voyons donc. Tu me dis, tu te lignes avec une petite sauce. Oh, c'est la sauce. La béchamel, la béchamel. La béchamel, la béchamel. Oh, la béchamel. La béchamel avec une petite larme de ma larme. Oh, une larme de ton... Oh, c'est de la... Ouais, directement, c'est de l'eau de larme. Oh, de l'eau de larme. Oh, monsieur, je pensais que c'était de l'eau de larme. Parce que c'est plus difficile à avoir de l'eau de larme que de l'eau de larme, hein? Alors, ben, je pense qu'on va s'armer de patience, puis on va attendre le dénouement. Mais repose-toi un peu. Puis là, je pense que ma petite bière sur le bord de la bouche d'aération sent un peu le débouchage. Oh, ça sent le débouchage. On peut-tu déboucher? On peut pas déboucher. On va déboucher. On peut pas déboucher. On va déboucher. On va déboucher. On va déboucher. Ah oui, OK. On va réfléchir à ça. Puis là, est-ce qu'on peut dire le titre? On peut. N'importe quand. On va le balancer, là. Alors, le titre de la phrase de Bukowski, on l'avait presque insinué par la toile. Le titre, ben, c'est l'araignée. To like bones, scared of breath.

Holiday war ich fort. Ich steh jeden da auf, ander in Ort. Ich wort und ich weiß nimmer, wie war da ich sing. Ich sing und ich weiß nimmer, wir werden wir was. Ich singe die Nacht für die Diver, ich war. Ich singe den da wie ander in Ort. Ich sing und ich weiß nimmer, wie war da ich sing. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons. On va pas la savoir! Ben oui, mais là, on va savoir, on va la dire. Là. Attendez, on n'a même pas commencé. Là. C'est un nouveau bloc, on a écouté un petit peu de musique, ça nous a comme rassasié l'oreille. Hein? Ah, ça fait du bien, c'est comme de la tendre musicalité. Ben c'est de la musique, c'est bien certain que c'est de la musicalité. Ouais, mais c'est ça repose. Ouais, mais si on compare à ta voix, là, c'est très reposant. Ah, c'est comme le silence. Le silence, c'est reposant. Et ma voix? C'est très agité. Agité. C'est très agité. Agité, OK. Agitons-nous d'abord. Allons-y. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Oh, loulouloulou, c'est du hasard. Oui, mais je m'en rappelle plus parce que je prépare plusieurs feuilles d'avance. Donc, lorsque j'arrive sur la lecture du mot ou, de la, ou du verbe ou du prénom, c'est jamais des prénoms, hein, c'est des verbes, des mots. Donc, je ne sais pas lequel. Et là, aujourd'hui, c'est « soustraire ». Il faut le soustraire maintenant. Ce petit bébé qu'Anaïs Kael tient dans, dans son bedon. Excusez-moi si c'est si ça se répète, mais c'est le cas. Là. Nous sommes... il est déjà à 3 semaines de sa date, puis il est encore collé là-dedans. Ben oui, mais il est bien, là. C'est pas ce qu'il attend dehors. C'est pour ça qu'il veut rester à l'intérieur. C'est chaud, c'est beau, c'est doux. Ah, mon Dieu. C'est comme du Nutella sur une tartine. Ah, c'est beau, c'est doux, c'est bon. Ah, quand t'en manges, c'est bon, c'est doux, c'est bon. Ah, quand t'arrêtes, c'est l'existence qui commence. Mais crème noisette. Excusez-moi, j'ai fait de la publicité, c'est vrai. On va couper. Crème, non, c'est pendant que je dis le mot nunan, hein, c'est là que. Ah, c'est quel mot tu dis? Je dis nunana. OK, ça c'est la. Oui, c'est masqué. OK, c'est pas pour dire le mot, là. Tu fais nunana. OK. Les gens ont compris que c'était nunana. Mais non, je suis pas certain. Ils s'imaginent que tu tombes dans un mal. À chaque fois, tu dis nunana. Oh, mon Dieu. Ça fait peur, hein? On aime ça se soustraire de toutes ces peurs-là, mais on aime ça avoir peur, hein? C'est pour ça qu'on va tourner dans les roues gigantesques, dans les expos, dans les cirques, dans les foires. Et plus ça foire, et plus on sait foire. Plus on sait foire, plus on soustrait, parce qu'on a peur, et plus on a peur, plus on aime ça. En même temps, ce qu'on veut, c'est être tranquille dans sa petite campagne, se soustraire au monde, se soustraire à la société, se soustraire à la vie, se soustraire à tout, au bruit, à la mobilité du genre humain qui nous étourdit. Alors, on veut s'extirper, on veut s'en aller, on veut reculer devant tout ça. Et ça? Soustraire. Bon, le mot, c'est? Soustraire. Qu'est-ce qu'on parle de? Soustraction. Bon, mais il faut me nommer le mot? Soustraire. Bon, tu comprends rapidement. Oh, merci. Est-ce que je peux continuer à tourner ma sauce à spaghetti? Ah, tourne ta sauce à spaghetti, toi, là. Mets bien de la tomate, s'il vous plaît. Puis mets bien de l'ail. Oh mon Dieu, ça soustrait pas le goût, hein? Non, ça rajoute, hein? Ça visse le goût. Ah! Plus tu visses le goût, plus j'aime ça, voilà. Ah, visse-moi ça, ce goût-là. Là. OK. As-tu des clous? Non, on a des vis. Visser le clou, là, c'est. Non. Visser le goût, c'est mieux avec une vis. Sinon, c'est clouer le goût. Clouer le goût, visser le goût. Oh mon Dieu, visser le goût, clouer le goût. Oh mon Dieu. On va réfléchir à ça 30 secondes. Peux-tu m'appuyer? Appuie-toi. OK. Visser le goût ou clouer le goût? Oh, mon Dieu. On va demander à Chloé. Est-ce qu'il faut clouer le goût ou visser le goût? Est-ce qu'on a le numéro de Chloé, madame? Hey, je vous entends à peine. Là. Êtes-vous présent ou absent? On est présent, mais on... Merci, non, arrêtez, merci. Non, on est présent. Sauf que, chez moi ça, lui, il n'a pas parti, là. Il ne veut pas s'arrêter. Il est comme omnibulé, mais vous ne l'entendez pas parce qu'il y a un micro extraordinaire qui ne fait capter. Ah, voilà. Alors, est-ce qu'on peut appeler Chloé? On va savoir si c'est Chloé ou Vissé. On ne sait pas. Numéro de Chloé, s'il vous plaît. Ça, c'est de la composition. C'est bon, hein? On a un bruiteur extraordinaire. On le paye assez cher. Ça vaut pas cher non plus. On dirait qu'il joue de la trompette. Oh, ça sonne. Ça sonne. Chloé? Chloé, malheureusement, on peut pas t'entendre parce qu'on n'a pas de bidirectionnalité dans le son. Là. C'est juste moi qui te dis bonjour et c'est. Ben, oh, est-ce qu'on peut savoir? Oui. Est-ce qu'on peut avoir Oui. OK, bon. Chloé, je pensais qu'on pouvait pas nous entendre. Ça va bien? Oui. Bon. Chloé, mon doute semble étrange. Oui. OK. C'est normal, hein? Oui. OK. Hey Chloé, Chloé, là, on se demandait, est-ce qu'on doit visser le goût ou clouer le goût? C'est une bonne idée, hein? C'est quand même, notre société actuellement, là, est arrêtée. En Chine, ça dort plus. À Tombouctou, ça dort plus. À Paris, ça dort plus. À New York, ça dort plus. À Montréal, ça dort plus. Puis à Québec, ça dort. Bon, on est à Québec, c'est sûr que ça dort, hein? Tu sais ça, ben, Chloé? Oui. Bon. Hey, Chloé, est-ce qu'on doit visser le goût ou clouer le goût? Parce que là, je vais te poser une question. Tu aimes le goût? Oui. Ouais. Le goût de partout? Oui. Bon, OK. Alors, excusez-moi, j'avais comme un chat. Le poil de monsieur de tout à l'heure, là, c'est lui. Parce qu'on a enlevé le poil, mais il fallait bien... Bon, OK. Excusez-moi, Chloé, on t'a dérangé, hein? Oui. Bon, OK, mais c'est pas grave, ça durera pas longtemps. On va essayer de conclure rapidement, ma Chloé. Alors, tu me disais que ça allait bien. Bon, OK. Alors là, nous autres, on se demande, est-ce qu'on doit visser le clou? Voyons donc, visser le goût ou clouer le goût? Parce que là, on se dit, si on visse le goût, est-ce que ça risque d'être plus intéressant que de clouer le goût? C'est une question importante, hein? Oui. Bon, mais il n'y a personne qui a réfléchi à ça, hein? Oui. Oui? Ah. Voyons donc, oui. Tu ne me ramèneras pas le nom de Régis Boisclair? Oui. Bon, mais Régis Boisclair, je tiens à le dire, ma Chloé, c'est un insignifiant. C'est que c'est moi qui a lancé la phrase de la semaine dernière, puis c'est lui qui l'a répété, puis ben, heureusement qu'il n'y a pas de micro, cet imbécile-là, parce que il se serait fait, bien sûr, approprier cette vision, cette intellectualisation, cette vision intellectuelle que moi je veux amener ce soir en ce beau 29, c'est-à-dire visser le goût ou clouer le goût. En fait, ça vient de moi, Chloé, tu me crois, hein? Oui. Bon, OK, alors on va oublier ce gars-là, ma Chloé? On va... Allô? Oui. OK, on va oublier ce gars-là? Oui. OK, bon. Alors donc, moi, j'aimerais savoir, d'après toi, mieux vaut quand même visser le goût que de clouer le goût? Oui. OK, parce que visser le goût, là, c'est de nous donner une sensation de tourniquet, d'interpénétration dans un goût qui pourrait nous ramener un autre goût, hein? Oui. Tandis que clouer, c'est comme marteler, hein, frapper sur pour ne plus se souvenir de... Oui. Alors, vissons le goût au lieu de le clouer. Oui. Hey, merci, Chloé. Toujours aussi sympathique. Alors, ça va bien de ton côté? Oui. Je t'ai réveillé, hein? Oui. Ben, ouais, je l'ai remarqué. Alors, Chloé, continue à dormir et on se reparle la semaine prochaine. On ira prendre un petit verre ensemble. Oui. Deux? Deux? Oui. Quatre? Oui. 20? 22 vierges. OK. Hey, ici de suite, hein? Hey, ici de la suite, hein, Chloé? OK, merveilleux. Hey, ben, Chloé, merci, puis on retourne à... Tu m'écoutais, hein? Oui. Mais dans ton sommeil profond, hein? Dis-moi ça. OK. Zizi, en avant les zizik. Les marées se bousculent, les poissons ne savent plus sur quel pied danser. Je suis une aringue bleue dans une tête de trop. Je regarde les cieux sous vagues qui roulent.

Et si tu te casses une gambette, on te fera mettre une belle jambe de bois. Ah, viens, viens, ma nénette, faire un tour sur les chevaux de bois. Là sur ton front, doucement, ta main glisse, lisse, lisse, moi les cheveux. Je t'offrirai un bout de pain d'épices, puisque tu le veux. C'est pas toujours que l'on peut se payer du plaisir à bon marché. Mais je t'invite et selon mes moyens, je ne te refuse rien. Ah, viens, viens, ma nénette, faire un tour sur les chevaux de bois. Ça fait tourner la tête comme si l'on avait la gueule de bois. Et si tu te casses une gambette, on te fera mettre une belle jambe de bois. Ah, viens, ma nénette, faire un tour sur les chevaux de bois. Errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs. Elle. Hein, j'ai pas mis ma troisième partition là, que je parle de Jim Morrison. Non, c'était pas là-dessus. Ah, oh, c'est tellement beau. On n'a pas la feuille, on n'a pas la feuille. C'est la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. Est-ce que tu m'en veux? Je t'en veux. Oh mon Dieu. Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais? Je pleure. OK. Alors, donc, alors. Le moment s'invite à nous pour... C'était un moment de déprime. Ah, une émission, ça arrive toujours à cette heure-là. C'est vrai. Sauf que dans les autres, hein, c'est pas comme ça. Heureusement. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien, pour une consonance de l'esprit qui nous amènera, qui nous dirigera, tel un directeur d'école. Une professeure, une maîtresse. J'aime bien les maîtresses. Oui, la maîtresse. Une consonance de l'esprit nous amènera. Il est parti en deuxième vitesse, lui. L'as-tu vu passer? Monsieur, il reviendra plus. Je pense que c'est la fin de son errance, lui, là. C'est comme étrange. Ah oui, OK, écoutez-nous. Le moment s'invite à nous pour un élan de l'esprit. On ne sait pas ce qui s'est passé. Cet hurluberlu est passé de n'importe qui à n'importe quoi, puis bon, de qui à quoi. Une consonance, et monsieur, une consonance, excusez-moi. De l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers le couloir de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. Ouh là là là là là là là là là. Flanche et déclenche le déséquilibre. Flanche et déclenche le déséquilibre. C'est certain que lorsqu'on flanche, on déclenche. Quand on flanche pas, on déclenche rien. Et très souvent, quand on déclenche, c'est pour pas s'équilibrer, c'est pour se déséquilibrer. C'est pour se sentir comme dans la, sur une balance. On sait plus si on est à gauche, à droite, au centre. On n'est pas au centre, ça c'est sûr. À gauche, à droite, centre-gauche. Mais plus on est à gauche, plus on se débalance vers quelque chose qui est intéressant. Oh, monsieur! Oui. Sinon, on débalancerait pas comme ça, là. On est heureux de débalancer dans un mode qui peut nous amener vers une ouverture. Une autre structuration du cerveau, une autre compréhension. Plus on comprend, moins on est vulnérable au jugement. Quoique, dans le jugement, il y a aussi une compréhension. On a compris, donc on peut juger, on peut dire, on a compris quelque chose qui nous semblait bien selon nous. Là. Tout est singulier. Il y a aussi, bien sûr, des vraies pensées plurielles. C'est-à-dire que si la société a dit ça, c'est comme ça. Ça, c'est les moutons, là. Hein, on s'en va par là. Metallica, c'est Metallica. Tout le monde doit voir Metallica. Tout le monde doit voir Metallica. Heureusement qu'il y en a qui n'ont pas été voir Metallica. J'en fais partie, moi, là. Le troupeau, là, vaut mieux le suivre par en arrière, pas par en avant. Voyons donc. L'intelligence est plus en avant qu'en arrière qu'en avant. Quand il y a 100 000 personnes, laisse-moi te dire que l'esprit est assez dilué. Quand il y en a une qui est en arrière puis qui fait son bout de chemin, il est beaucoup plus intéressant que le troupeau de 100 000 personnes. Mais on parle de 100 000 personnes parce que le nombre importe. Le nombre au niveau des médias, c'est très, très primordial. C'est ce qui illumine tout. Hey, c'est bon ce disque-là, ça s'est vendu à 100 000 exemplaires. Ben, voyons donc. Ça se vend aussi des hamburgers chez Burger Clown parce qu'ils en vendent des millions, des 50 millions par jour partout sur la planète. Puis il n'y a rien de plus chier dégueulasse que ce hamburger-là. L'hamburger de clown, il n'y a pas de pire que des hamburgers de clown. On te prend pour un clown, là. Puis le monde le savent là, que c'est des clowns. Là. Mais comme tout le monde y va, là, s'il va y avoir quelque chose si tout le monde y va, on se rassure là-dessus. Là, hein? On va être malade pendant 2 jours, mais on y va. Parce que c'est plaisant de suivre ce que la majorité des gens adoptent. Mais ce qu'il faut, c'est la singularité. Ne jamais pénétrer dans des endroits de clowns. Ne jamais suivre des clowns qui vont voir des cheveux... qui n'ont absolument rien à dire depuis 20 ans. Faire son chemin seul. Et bien sûr, tu vas être jugé si tu es seul sur ta planète. Tu vas te faire juger. Il faut être prêt à te faire juger. Parce que toutes les caves qui vont voir tous ces imbéciles-là vont prendre pour les imbéciles qui aiment bien voir les caves. Et toi, si tu es seul sur ta planète, ils vont dire, hey, regarde-moi ça. C'est lui qui n'a pas raison. Hein? Ah mon Dieu, c'est lui qui veut extirper les pubs là, pendant les émissions de télévision. Ben oui! Parce que la télévision là, sert à faire vivre les pubs. S'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de télé. Donc, les émissions, là, c'est quoi? C'est rien. Parce qu'on essaye de faire une série télévisée selon les pubs. On va faire une montée, là. On va presque tuer le principal acteur pour que après la pub, on vienne voir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va le tuer, le bonhomme? Imaginez-vous pas de pub. On reste dans l'intensité, on reste dans la structure narrative. Mais comme les téléromans puis toutes ces émissions-là n'ont rien à dire, c'est pas important. On va leur amener du ballon, on va leur amener de la saucisse, ils vont manger de la saucisse, après ça, on va leur retirer la saucisse, puis ils vont attendre qu'on leur donne d'autres saucisses. Ah, c'est incroyable. Pour ça que je suis pour les télévisions sans publicité. Là, les gens vont dire, ouais, ils peuvent pas vivre sans publicité. Ben voyons donc, oui. Il faut voir autrement. Il faut se restructurer autrement. Arrêter de s'endormir sur les acquis. On s'imagine parce que c'est comme ça que c'est bien. Voyons donc! T'es-tu pompé? Ah, je suis très pompé, là. Il faudrait un peu de musique. Ah, moi, là, de la musique, ça me raccourcit les ailes. Oh, mon Dieu! Non, mais moi, ça m'ouvre. Au contraire, ça ne me raccourcit pas les ailes. Ça m'ouvre le plumage comme le pan. Et ça m'amène à m'envoler vers d'autres océans. Ben, les océans, les cieux, là, parce que moi, les cieux, le ciel est bleu, l'eau est bleue, donc je m'en vais vers le haut, vers l'océan qui est aussi beau que le firmament, le zénith d'une vie à découvrir. En avant la musique. There are girls just ripe for some kiss, and I mean to kiss me a few. Oh, those girls don't know what they're missing. I've got a lot of living to do. And there's wine all ready for tasting. And there's Cadillacs all shiny and new. Gotta move, 'cause time is a-wasting. There's such a lot of living to do. There's music to play, places to go, and people to see. Everything for you and me. life's a ball if only you'd know it, and it's all waiting for you. You're alive, so come on and show it. There's such a lot of living to do. Got a lot of living to do. Man, there's such a lot of living to do. Why, there's music to play, places to go, and people to see. Everything for you and me. Life's a ball if only you know it, and it's all just waiting for you. You're alive, so come on and show it. There's such a lot of living, such a lot of living. Ce qui est intéressant dans un DVD sur une tournée, c'est que ça raconte une histoire, en fait. Ok, ouais, oui, oui, l'histoire de la tournée, l'histoire de... Ouais. Ça, pour moi, ça a plus d'intérêt ça que de montrer un spectacle. Le spectacle le plus intéressant, c'est d'être dans la salle, quoi. Oui, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de pouvoir... Non, bien sûr. Bon, à Paris, les gens se déplacent pas nécessairement au spectacle quand ils en ont l'occasion, hein, donc bon. Ouais. Rester devant leur ordinateur. Alors... oui, sur Facebook, ben oui, c'est là, quand on raconte pas l'humain, c'est plus facile, hein, on peut déconner. On peut... Ouais, c'est un peu dommage des fois. Ah, oui, oh, oui, c'est oui, mais c'est rendu la réalité du 21e siècle. C'est ça. Et puis, alors donc, toi, tu prépares en 2012 des spectacles que tu as annulés dû à ta maternité à venir, mais présente, parce qu'on peut pas dire. Ah oui, là, c'est sûr, j'accouche dans rien de temps. Mais lorsqu'on s'est rencontrés sur Facebook, tu m'avais dit que tu allais accoucher au mois de juillet, ouais. À début juillet. Ouais. Et c'est pas encore fait? Ben non. Alors, il est à terme? Ah, mais il bouge, là. Oui, ben oui, ben je sais. Si beau mon amour, si beau ce matin, que je pourrais faire la cour à Christine Boutin. Il fait si beau sur la ville, si beau sur les toits, envie d'ouvrir la grille aux témoins de Jéhovah, aux terrasses des restos grecs, tellement il fait beau. On pourrait trinquer avec les anciens proprios. Il fait si beau sur les trains de banlieue qui retardent. Envie de faire un câlin avec une chienne de garde sur les pervenches, les PV. Il fait si beau sur les affiches UMP. Il fait si chaud, les caméras de surveillance. Il y a du soleil sur la France. Soleil sur les parcs-mètres, les toits du gymnase. Mes enfants, s'ils le souhaitent, pourront faire du jazz sur les poubelles dans la cour, tellement il fait beau. Je voudrais connaître un jour un bizutage subdoco à l'arrière des Vespa à l'avant des balcons, envie de punaiser chez moi des posters Benetton sur les pervenches, les PV. Il fait si beau sur les affiches UMP. Il fait si chaud sur les grands-mères pékinois. Les belles mondo chihuahua. Sur les rollers en troupeau. Il fait si beau sur les concours de Sciences Po. Il fait si chaud, les trottinettes à la con. Les enterrements de vie de garçon. Les je peux voir vos papiers. Madame, je fais mon métier. Il fait si chaud, oh mon amour, tout va bien. Il fait si beau ce matin. Ce kit, c'est la fin de l'émission d'Errance Rénaldienne. C'était merveilleux, mais tu t'es gonflé à la dernière fois. Ben oui, mais c'est ça. Moi, quand je vois autant d'imbéciles qui s'en vont voir un spectacle, 100 000 personnes pour applaudir des has-been, des gens qui ont fini de leur carrière depuis 20 ans avec les cheveux. J'ai rien contre les cheveux longs, j'ai les cheveux longs. si un jour je suis un has-been, ben peut-être que toute ma vie j'ai été un has-been, mais au moins, j'en suis conscient. Il est pompé. Non, je suis pas pompé. Non. On va se dépomper. J'appelle le téléphone. Oh mon Dieu, appelle pas le téléphone, il sonnera pas. Comment ça? On a coupé le fil. Oh, c'est le fil conducteur, oui. Et puis là, l'autre, c'est pas l'autre, c'est Anaïs. Anaïs Kael, a-t-elle accouché? Oh, ça s'en vient, là, je te le dis, rendu à 9h30. Oh, 9h30! Il reste quelques minutes. Peut-être avant la fin de l'émission. Ah, oui. C'est certain que c'est là. Oh mon, merci. Merci à elle d'avoir autant insister à extirper cet enfant. Oh mon Dieu. Alors donc, j'appelle le téléphone pour ce moment d'improvisation. Utilisons la source de communication inventée par M. Graham Bell. Entrons en relation auditive avec quelqu'un ou quelque chose. Oh, ça c'est important là. Quelqu'un ou quelque chose. Oui, je t'entends. Oui, merci. Entrons en relation avec quelqu'un ou quelque chose qui nous dévoilera peut-être la face cachée de sa personnalité. Là, à cet instant, nous rejoignons. Oh non, on va parler avec les ondes. Et les ondes, ça, c'est important. Est-ce que... Oui, je t'entends. Oui, les ondes. Vous m'entendez, les ondes? Oui, je t'entends. OK. Est-ce qu'on doit tutoyer les ondes, non, ou vous voyez? Oui, je t'entends. OK, je t'entends, oui. OK. Alors, si vous m'entendez, les ondes, ça va bien? OK. Alors, vous avez passé... parce que là, c'est pas terminé, là, mais l'été va bien pour vous? Mais ça, est-ce que c'est chaud quand on émet partout sur la planète avec une chaleur aussi intense? OK, mon dos. Vous êtes comme l'oiseau? Ben, vous êtes dans le ciel. Non, c'est ça. Vous êtes dans le ciel et vous vous émancipez. Premièrement, là, c'est la première fois que je disais premièrement hein, depuis le début de mon émission. Je sais pas, on va regarder ça. Est-ce qu'on peut réécouter? Premièrement, il me semble que c'est la deuxième fois que tu le dis. Oh! Je me suis comme repris, parce que normalement, c'est la troisième fois, là. Normalement, quatrième fois, je le disais plus souvent que ça, hein. Quoi, le mot normalement? Oui, normalement. OK, ben c'est vrai. Alors donc, les ondes, alors donc aussi, il faudrait voir ça. Hey, monsieur, hey. OK. Alors, les ondes radiophoniques, entre autres radiophoniques, parce que ça peut être aussi les ondes télévisuelles, les ondes, je sais pas, les ondes de l'eau de l'Az. Avez-vous des ondes de l'eau de l'Az, vous? OK. Est-ce que c'est mystérieux? Est-ce qu'on peut en parler? Ah oui, OK. Mon Dieu, c'est l'intérêt. C'est étrange d'avoir, tu sais, de pouvoir entendre des ondes avec une voix aussi. OK. Étiez-vous un oiseau avant, non? OK. Ah oui? Ah, ben c'est intéressant parce que comme ça, vous pouvez connaître les vents. Donc, lorsque il y a un changement de ventilation, vous suivez aussi cette structure. Hein? Vous êtes capable, vous êtes signifiant, même si votre son semble insignifiant. Mais il n'y a pas juste des ondes radiophoniques, comme on disait, il y a des ondes de l'eau de l'Az. Comment vous faites pour contrôler toutes ces ondes, parce qu'il y a les ondes OVNI, il y a les ondes paranormales, il y a les ondes rénales. Est-ce que les ondes rénales existent? OK. Alors, non, mais c'est bien de savoir, là, le peuple le cherchait, là, ça demandait. Eh, il me semble que les ondes rénales, c'est impossible. Ben oui, les ondes viennent nous le dire, ça existe, hein? Bon, et c'est composé de plusieurs vents et antivents et ouais. Bon, alors à travers tout ça, on peut quand même faire son chemin et se frayer. Ben c'est comme un banc de poisson. Ben les bancs de poisson, tout le monde connaît ça, hein? Lorsque vous regardez dans l'eau, ben pas dans votre piscine, Madame Tremblay. Ah ben moi, je sais pas. Ni dans votre sauce à spaghetti, c'est pas de l'eau. La sauce à spaghetti, c'est pas de l'eau, c'est de la sauce à spaghetti. Bon, quand vous regardez votre piscine, c'est de l'eau de piscine. Bon, mais quand vous regardez dans l'eau. L'authenticité, là, l'eau, l'océan, OK. Quand on regarde vers l'océan, on peut voir des ondes, hein? Ouais. Comme les bancs de poissons. J'avais oublié de dire ça. Les bancs de poissons se feraient un chemin comme l'ondulation de tout mouvement, n'est-ce pas, les ondes? Ouais. Mais là, c'est quand même... Il me semble que, d'après moi, là, c'est la première fois qu'on vous entend à la radio. Alors, c'est mondialement, là, c'est... Alors, je suis le seul à... Hey, c'est merveilleux! Mais il faut dire aussi que vous n'avez pas grand-chose à dire là-dessus, là. OK. Mais on peut vous amener plein de directions et vous allez acquiescer. Ou refuser aussi, là. Vous n'êtes pas consensuel. Vous êtes con. Êtes-vous con? OK. Non, mais c'est rassurant de savoir que les ondes sont cons parce que vous savez pas par où aller, hein. Vous partez partout, comme un peu la girouette. Mais là, la girouette, on sait qu'au moins, elle suit le vent. Mais vous suivez quoi? Voilà. Elle ne suit rien. Elle suit peut-être vous épivardez. Ah, ça, c'est intéressant. Comme l'oiseau. Comme aussi les abeilles s'épivardent de fleur en fleur. Elle ne sait pas, quand elle butine, elle ne sait pas si ça va aller à droite, à gauche, dans le milieu, au fond. Ça va monter ou descendre. Puis si, elle ne sait même pas si ça va vous piquer, madame. Mais... Parce qu'elle peut arriver vers vous, puis là, vous avez une belle chemise à fleurs. Puis là, où M. Tremblay a sa chemise à fleurs d'Hawaï de 1976, là. Parce qu'il a été Hawaï une fois dans sa vie, puis il veut le montrer à tout le monde qu'il a été Hawaï une fois dans sa vie. Son seul voyage sur la planète depuis qu'il est né, c'est Hawaï. Puis là, il veut quand même emmerder le peuple. Puis il y a une chose qui se rattache à son voyage, c'est sa belle chemise défraîchie d'Hawaï, des belles fleurs. Puis là, les abeilles, là, sont à côté de son jardin, butine. Puis là, il voit une grosse masse de bière qui est couchée là, au soleil. Excusez-moi, au soleil. Et c'est l'air climatisé, Maxime. Et on va couper son montage, Mme Tremblay, faites-vous-en pas. On coupe tout son montage. Ah, arrêtez de pleurer, là. On est fort là-dessus, on coupe. On est comme un coiffeur, il s'aille en scène Aldiana. Clic, clic, clic, clic, clic. Non, c'est pas vrai. C'est rare, c'est rarement vrai que nous coupons. Nous amenons toute la réalité comme elle s'est faite dans toute sa gâcherie, sa... Comment dire? J'allais pas dire gâcherie, j'allais dire quoi, donc? Son innocence, dans toute son innocence. Ah, pour être innocent, c'est innocent, merci. dans toute sa... Son enfantillage, comme un gambade, le jeune prépubère devant sa... Je sais pas, devant son ballon. Alors donc, arrête d'aller donc, mais donc, c'est ça. Les fleurs, il s'en va devant un monsieur qui a été une seule fois à Hawaï puis qui veut montrer sa belle chemise qui n'existe presque plus parce qu'on voit juste une petite fleur tellement que ça a blémi par le lavage. Et là, l'abeille, elle se demande « Qu'est-ce qui se passe là? » Elle va voir la masse de bière qui est couchée au sol dans son lit pliant mais qui touche avec ses fesses le rôle du sol. On va-tu piquer ça? Puis si on pique, ça va péter. Puis là, elle ne sait pas, là. Elle ne sait pas, mais elle est reposée sur sa chemise. Puis là, elle réfléchit. Si je pique, qu'est-ce qui va m'arriver? Quand même pas fou, là, l'abeille, là. Elle se pose des questions, là. Est-ce que je vais me tuer en piquant ça? Si en explosant là, à travers toute sa bière? Ou si je pique? Est-ce que ça va me piquer la curiosité pour au moins me rendre à ma ruche puis aller nourrir mes prochains? C'est ça, l'abeille, c'est ça nourrit la ruche. Bon. Alors, c'est ça. Alors donc, elle est couchée là devant ce qu'elle s'imagine une fleur bizarre, là, qui sent quelque chose qu'elle n'a jamais senti avant. Puis là, son interrogation, je pique ou je ne pique pas? quand même, on se pose des questions dans la vie. Hein. Puis même l'abeille, hein. Je pique ou je pique pas. Mais... Ah, ça me donne-tu le goût de piquer, ça, là, là? C'est blanc, ça pue, ça sent la... quelque chose que je connais pas. Ça... Il me semble que c'est houblonneux. J'ai déjà senti du houblon. Ça sent le houblon. Je pique-tu là-dessus, puis je deviens saoul. Puis je zigzague dans les airs pour me rendre à la ruche. Je me trompe, m'envoie chez la ruche Mme Thibodeau. Puis Mme Thibodeau ne veut pas avoir ce genre d'abeille-là. Puis elle me frappe avec sa tapette à abeille. Ah, oh, mon Dieu. Là, elle se dit, j'ai juste une vie à vivre. M'a piqué. Fait que là, elle pique. C'est le bonhomme avec la fleur d'Hawaï. Puis là, le bonhomme s'imagine, lui, là, qui vient d'avoir, je sais pas, un petit engourdissement au niveau de la bedaine, puis qu'il se gratte. L'abeille. Ça lui a piqué la curiosité. Comme ça s'arrête la race renatienne. Ça pique les curiosités. J'espère d'avoir piqué la vôtre. On se retrouve la semaine prochaine. Attention aux abeilles. Parce que, comme l'émission, ça peut faire mal. C'était Rénal Gagné. Vous pouvez m'écrire. Montre le sang! Vous pouvez m'écrire. Oh! À Rénal Québec. RAYNALDQEPEC. On comprend pas. Voyons donc, montre le son, baisse le son. Rénal Québec. RAYNALDQUEPEC. @commercial.hotmail.com. Rénal Québec. Là, ben, celui qui animait, ben, c'est quelque chose, c'est une masse qui s'appelle... Comment est-ce qu'il s'appelle? Masse rénale gagnée. Alors, à la prochaine, si tout va bien, avec une autre rencontre radiophonique que j'ai eue à Paris en 2011, en juillet 2011. Et Anaïs Kael, merci d'avoir été mon invité. Je t'embrasse, j'espère te revoir en spectacle l'année prochaine. Te voir, pas te revoir, parce que je t'ai vu, mais jamais en spectacle. Alors, ton album est sublime. Vous pouvez l'acheter sur mon site, allez voir. Mais cliquez sur mon site et l'acheter sur un autre site, mais les liens sont sur mon site. D'Errance Rénaldienne. Alors, à la semaine prochaine, bye bye. Termine, ça se termine comme ça? Ah, comme de l'image. OK. Êtes-vous sûr, vous, là? OK, on peut dire bye bye. OK, bye bye à tous, à la prochaine. OK. We'll be right back.